jour numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نبدأ في درسنا الثاني dans notre deuxième cours on commence la lecture de cette رسالة نصيحة مختصرة في الحث على التمسك بالدين والتحذير من المدارس الأجنبية تأليف العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله عليه. On a déjà étudié, on a lu ensemble plusieurs de ces rasa'il walillahi alhamd. Et on a choisi cette risala. لماذا لأنها نصيحة طيبة في الحث على التمسك بالدين. Et s'accrocher à ce din. On vit à une époque أن الأعداء الشياطين que ce soit الإنس أو الجن ils font tout pour t'écarter أيها المسلم de cette ni'mah, ad-din. Que ça soit avec des moyens directs, yuharibun al-muslimin, ou indirects. Fa al-muslim, il doit reconnaître annahu il est fi khayr, et il est fi ni'mah. Had ad-din, i'lam anna kathiran min al-khalq, ils ne sont pas d'accord que tu t'accroches à ton din. Que ça soit al-kuffar, al-yahoud ou al-nasara, وغيرهم que ce soit المنافقون ils font apparaître أنهم c'est des musulmans et في الحقيقة ils détestent هذا الدين et ils mettent des bâtons dans les roues que ce soit أهل البدع والضلال que ce soit الجهال فلهذا نحن on a besoin de se conseiller de se rappeler de lire ce genre de رسائل لأن المسلم plus il se rappelle والذكرى تنفع المؤمنين كما قال عز وجل. Puis, Inch'Allah, ça va lui faciliter. Et elle a tombé dans le ghafla, c'est très mauvais. Le ghafla, c'est l'insouciance, ne plus se rappeler. Le ghafla, c'est une cause d'égarement et de s'écarter de hadal haq. Donc, toujours se rappeler, essayer d'être régulier fi hada al-ilm. Bien sûr, toujours revenir aux savants de cette umma. Kadhalik, Cheikh Sa'di, dans cette risala, il va mettre en garde contre al-madaris al-ajnabiyya. Al-ajnabi, c'est quelque chose d'étranger. Et al-madaris, qui sont les écoles, qui sont étrangères, et al-islam. Et des madaris des kafars. Il va mettre en garde l'imada. L'anna, rahmatullah alayhi, il sait très bien une génération qui est éduquée chez al-kafara, chez a'da'ullah, une génération, dès le départ, on leur inculque des principes de Yahoud ou de Nasara ou de démocrate ou de laïcité, ça leur fera du mal. Sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a fait miséricorde et il a guidé. Lakin, les ulama ils mettent en garde contre ça. Ba'duhum kama sayati 8 heures du matin au soir, hatta manger à midi, ils ne rentrent plus chez eux, kathir minhum, et ils sont ma'a ha'oula. On sait Allah subhanahu wa ta'ala al-afi wa salam, ses parents, le cœur qu'ils ont. Annahum, ils laissent leur enfant inda ha'oula. Falihada ahlul ilm. À l'époque de Cheikh Sa'di et jusqu'à aujourd'hui, ils mettent en garde contre cette fitna. Fanahnu naqra et on demande à Allah Azza wa Jal an yanfa'ana bi hadhihi al-qira'a. Qala Cheikh Abd al-Salam ibn Burdis rahmatullah alayhi min ulama al-sunnah. C'est lui qui a حقق ce livre et qu'il l'a propagé رحمه الله. فهذه وريقات نفيسة رقمتها يد ناصح للمسلمين مشفق عليهم أي الشيخ سعدي ناصح للمسلمين صحيح. Beaucoup de رسائل il a écrit رحمة الله عليه c'est sous forme de نصائح. On a lu ensemble أو مع بعض الإخوان avant vous الوسائل المفيدة للحياة السعيدة les conseils bénéfiques pour avoir une vie heureuse. Et on a lu كذلك آداب المعلمين والمتعلمين مع بعض الإخوان. et d'autres rasa'il walillahi alhamd. Mushfiqun alayhim. Kadhalik, ils veulent khayr pour eux. Celui qui conseille son frère, il est mushfiq alayh. Al-shafaqa, ça ressemble à rahma. Il veut son bien. Il sait où, à son époque déjà. Il est mort il y a quelques années, rahmatullah alayh. À son époque déjà, il voyait hada shar qui touche al-muslimin. Et à notre époque, c'est akthar. Qala, urifa bi jihadihi al-mustamir fi nashr al-ilm. Et nashr al-ilm, c'est min a'zam al-jihad. Et ce djihad, il est réservé à Ahl al-Ilm. Et كذلك à ceux qui ont pris ce ilm min ahli. قال هذا الناصع هو العالم العلام القدوة الفهام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة. وقد تضمنت هذه الرسالة علاج داء خطير فشى بين الشباب اليوم وهو الالتحاق بالمدارس الأجنبية للدراسة فيها وأخذ العلوم عنها. Et à notre époque encore plus. Ha'oula al-Shabab, ces étudiants, ils font plus de distinction entre le bon et le mauvais. Hatta ils ont atteint le niveau annahum, ils prennent al-ilm, même si c'est ilm al-dunya, min al-kafara, alors qu'il n'y a aucune utilité. Et ta'lamoun anna al-kafir, kadhalik c'est un da'i. Kadhalik al-kafir, il va appeler à ses principes. Falihad al-an dans les écoles, walaw. Si en apparence c'est pour étudier les mathématiques ou autre, il fera da'wah. Que ce soit dans les cours d'histoire, que ce soit dans les cours de français, que ce soit dans autre, al-mudarris, il a un lien avec ses élèves. Et ses élèves, s'ils font confiance à ce mudarris, à ce professeur, il pourra propager ce qu'il veut. Falihada al-kafara, parmi les moyens qu'ils ont utilisé pour propager leur char, que ce soit Aqidat al-Nasara ou autre, c'est ces madaris. Et Cheikh Sa'di met en garde les madaris, les anahadis et les madaris, elles se sont implantées, hatta fi ba'd, bilad al-muslimin. Amma voyager indahum, ou habiter chez eux, dans leur pays, et inscrire ses enfants à l'école, fa hadihi musiba. Que ce soit à l'école ou autre, c'est une musiba. Lakin à l'école, akthar. Qala, ولقد انتشر هذا الوباء في أوساطنا حتى رأينا الشباب صرعاء من آثاره. نعم صرعاء أي كأنهم ils ont été frappés par هذا الفكر حتى والعياذ بالله ça les a changé dans leur comportement, بعضهم dans leurs croyances, dans leurs principes. تغيرت قيمهم وساءت أخلاقهم. Et à notre époque, avec ces écoles, ils ont rajouté tout ce qui est internet. Même ceux qui ne vont pas à l'école, s'ils ne font pas attention, ils seront touchés par Afkar al-Kuffar avec tous ces réseaux sociaux, avec tout, avec internet, etc. قَالَ وَسَأَتْ أَخْلَاقُهُمْ وَاخْتَلَّتْ مَوَازِينَهُمْ بَلْ أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكُ كُلِّهِ تَرْكُهُمُ الدِّينِ بِأَجْمَعِهِ. Et ça, ça arrive. أَنَّ بَعْضَهُمْ عيادا بالله كما بين شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ils étaient في بلاد التوحيد والسنة المملكة العربية السعودية et ils ont été soi-disant étudiés aux États-Unis ou autres et c'est devenu des malahida. Ils ont renié leur dîn. لماذا لأنهم ils ont soi-disant ouvert les yeux. Et نعم ils ont ouvert les yeux على الكفر والإلحاد. Et ils ont douté sur le khair qu'ils avaient et كفروا بالله عز وجل. C'est quoi la cause? C'est هذه المدارس. Et في الحقيقة que ce soit une école, une institution, un centre, une association, al-muhim, al-insan, il fait attention au fikr des kuffar. Lakin, les écoles, c'est plus grave. Il y en a celui qui va dans une école, c'est pour apprendre. Et fil haqiqa, on doit se poser la question, apprendre quoi? Tu mets en danger tes enfants pour apprendre à lire et à écrire. Alors que la lecture et l'écriture, c'est des choses très très simples. Un musulman, il peut apprendre à tes enfants. Lakin, si tu réfléchis, fil haqiqa, c'est quoi ce sabab? Cette dunya. Il y en a kathir, mais les gens ne pensent plus au din. Et ils veulent plus un avenir de din. Là, ils pensent que l'avenir, c'est que de dunya. Et ils pensent que la solution pour s'en sortir, c'est ces écoles. Il faut que son fils, ça devienne un médecin, il faut que ça devienne un avocat, il faut que ça devienne, même si c'est un travail haram. Là, yubali, l'essentiel, c'est la réussite. Ils pensent que la réussite, c'est gagner de l'argent. Faqat. Amma al-mu'min as-salih, il pense et il veut pour ses enfants la réussite. Al-fawz al-haqiqi, c'est que cet enfant, il meurt à la tawhid. Cet enfant, il meurt et il va filer Jannah. Ah, ma fille de dunya, t'inquiète pas, ton enfant, il va manger, il va boire comme tout le monde. Même s'il mange pas, il boit pas, apprends-lui l'aqida sahiha, il patientera. Voilà, t'akhaf alayhi. Lakin kathirun minan nas la'an, ils ont délaissé hada, et, iyadan billah, ils sont à la poursuite. Kalmajani! Comme des personnes qui n'ont plus la raison. Un homme, ils veulent absolument arriver à cette chose. Avoir un travail. Et nous, on ne dit pas qu'avoir un travail, c'est haram. Bel, talabul halal, c'est min a'zam al-a'mal. Comme a bayyana Cheikh al-Islam. Ou a ghayruhu, rahmatullah alayhi. Celui qui fait des efforts pour travailler dans le halal, nourrir ses enfants min al-halal, ne pas tendre la main, ça c'est quelque chose de noble. On n'a aucun doute. Lakin, laisser son din, délaisser son din, oublier son din, ne faire aucun effort dans son din, et se mélanger aux ennemis de ce din, pour soi-disant cette réussite, ça c'est min al-khidla. Et c'est min harb iblis ala hadi l'umma. Qala, bel a'damu min dhali kulli, tarkuhum ad-din bi ajma'i, wa lamzuhum adat wa taqalid abaihim wa ajdadihim. Hada, on l'a vu, nahnu, et vous l'avez vu, vous avez entendu. Ba'dahum qui se mélange au kuffar, que ce soit à l'école ou autre, khas, certains de ceux qui font des hautes études, faroupama, ils critiquent les coutumes de ses parents, ou le din de ses parents, et ils critiquent les pays des musulmans. Annahum, c'est des attardés, annahum, ils savent pas c'est quoi le progrès, la modernité. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a été touché par les ennemis de l'islam. Amma, les bilad musulmans, ils sont fichés, ils vivent avec leurs moyens, ou alillahi alhamd. Et leur but, c'est l'akhir. Et walillahi alhamd, le confort, l'âne qui a fait bilad musulmans, il y en a assez. Et l'akhir, c'est qu'un passage. Pourquoi se faire que des efforts pour ce passage, alors que tu partiras, tu laisseras tout ça? Autant préparer l'akhira, et c'est ça, sha'nu al-muslim. Il fait des efforts pour l'akhira. Il prépare l'avenir. C'est ça l'avenir. Fil jinnah. Est-ce qu'il prendra son livre? Bi yaminihi ou bi shimalihi. C'est ça l'avenir. Est-ce qu'il fera partie de Ahl al-Yamina ou là? C'est ça l'avenir. Est-ce qu'il fera partie de Ahl al-Jinnah? Il ira au paradis, amla. C'est ça l'avenir. Amma, des années, et ils sont kalmajanin par rapport à cette étape. Allah alam, ils vont vivre amla, ils vont profiter des efforts qu'ils font amla. Al-haqiqa, c'est pas min al-tawfiq. Qala, kullu dhalik janahu al-muslimun min jarra'il madaris al-ajnabiyya. Tastafid de cette muqaddimah? An al-kuffar, ils ont combattu le muslimin avec ces madaris. Ces aides qu'ils donnent à tes enfants. Et bel al-an, dans certains pays, c'est obligatoire, ce qu'ils appellent l'éducation. Ne crois pas que c'est pour ton bien. Ils te donnent de l'argent pour que tu places tes enfants à l'école. Ne crois pas qu'ils t'aiment à ce point-là. Abadan. Wallahi, ils ont un but. Anna, ces écoles, c'est fait pour formater tout le monde. Tout le monde pense pareil. C'est pour ça que mon SSO, هذه المدارس en France, il a une célèbre kalima وانتشرت انه il démontre clairement que l'école laïque qu'ils ont instaurée en France et qui est propagée partout là en France, le but c'était de que tous ces enfants, les enfants ce qu'ils appellent de la République, ça devient des malahides. Ils sont plus limités avec le christianisme. À l'époque, c'était le christianisme, il n'y avait pas encore l'islam. C'était ça son but. C'était que ses enfants, ils soient plus endoctrinés pour lui. Ils ont plus de croyances. Et ils en ont profité quand l'islam il s'est répandu. Ils en ont profité pour combattre l'islam avec le même moyen. C'est madaris. Fahadhar ayyuhal muslim. Fais attention, tu rendras des comptes. Cet enfant, c'est une ni'ma. Min ni'amillahi azza wa jal. Et lui, c'est pas meskin. Tu l'inscris à l'école ou tu l'inscris pas. Ouais, il meskin, il suit ses parents. Lakin al-insan, il pense à yom al-qiyam. Anna, cet enfant dont tu as été injuste envers lui, il te demandera des comptes yawm al-qiyam. Pourquoi tu m'as placé dans ces écoles et je ne savais pas? Famada sayakun al-jawab. Surtout pour celui qui sait. Qala wa inna al-adab la yanqadhi min ha'ula'i ash-shabab hadahum Allah alladhina zahidu fi madaris watanihim. Al-an, il parle de al-mamlaka al-arabiyya as-saoudiyya. Anna al-madaris fiha khayr hunak par rapport aux autres pays. Ils ont un programme fi al-Qur'an, ils ont un programme fi al-tawhid. Ils étudient l'um'at l'i'tiqad, fath al-majid, al-wasitiyya, mitl hadhihi al-kutub. Et ils donnent l'importance au din. Walillahi alhamd. Fatajid, ba'dahum, ils ont délaissé hadha al-khayr pour étudier inda al-kafara. Wa atharu al-igtirab an ahlihim. Au lieu de rester dans son pays, mu'azzaz, mukarram, Et wallahi alhamd, ce pays, khasatan al-mamlaka al-arabiyya al-saoudiyya, il donne de l'importance au din avec sa famille, il délaisse ni'matu din et kadhalik il délaisse sa famille pour se retrouver tout seul. Hada fi al-haqiqa, c'est un manque de tawfiq, ayadan billah. Et tu trouves l'axe, man waffaqahum Allah azza wa jalla, annahum, ils ont délaissé tout ça, ils ont fait le hijra fi sabilillah pour étudier inda ahl al-ilm, inda al-muslimin, inda ahl al-sunna, inda al-salihin. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a ouvert les portes. Même s'ils ont quitté leur famille, c'est fi sabilillah. Et ils ont droit fi hada al-hal. Sauf pour celui, matalan, il a sa mère ou son père, ils ont personne. Et s'il le laisse tout seul, rubbama yadhi', c'est autre chose. Amma celui qui a al-qudra, il fait les efforts. قال مع أن جلوسهم بين أقاربهم وفي بلادهم يوفر لهم راحة البال صحيح أنهم s'ils seraient restés dans leur pays et avec leur famille ils auraient راحة البال ils seraient الحمد لله très très bien ils auraient une bonne situation que ce soit niveau din ou الله الحمد que ce soit niveau argent ils auraient le confort qu'ils veulent avec leurs parents والله الحمد ils ont besoin de rien لكن عيادا بالله الهواء ويعصمهم من الزيغ والضلال والتطرف والانحلال هذا مع وجود المدارس والكليات في بلادنا نعم dans leur pays ولله الحمد celui qui veut étudier telle matière الحمد لله الخير اللي موجود avec الدين et pas de mixité et il donne de l'importance à la salat et beaucoup de choses et s'il y a quelque chose qui خالف الشريعة فالإنسان ولله الحمد il demande à أهل العلم et il applique لكن délaisse le خير et se retrouver عند الأعداء عيادا بالله وهي بحمد الله قد بلغت مبلغا عاليا في التعليم وطرقه وشموله فهي كفاية بإشباع رغبة الطالب من أي علم شاء وأراد نعم celui qui veut qui est là-bas et qui veut étudier والله الحمد الخير il est موجود celui qui est pendant ce pays فأون le conseille نحن on le conseille نحن de faire des efforts في العلم الشرعي et de voyager s'il peut seul ou avec sa famille, avec ses enfants, inda ahl al-ilm. Et inshallah, il trouvera al-khayr. Qala min aysha'a wa arad ilmu al-shara, ilmu al-tib, ilmu al-handasa, faliyattaqi Allah ta'ala ha'ulai al-shabab fi anfusihim, waliyahdharu al-safar ila bilad al-kufr min ghayri haja mulihha. C'est ça le hukm al-sahih, c'est interdit. Sauf, inda al-haja al-mulihha, inda al-darura, dans certains cas, c'est permis qu'à l'ilaj, pour se soigner et revenir. Amma, le voyage, hunak, c'est haram. Surtout à notre époque, fitan. Tu peux être accusé à tout moment. Tu peux perdre ton din, iyadam billah. Hada, c'est fi safar. Cheikh Abdussalam, là, il parle de voyager, faqat. Amma, l'iqama, c'est clair. Lakin, ba'duhum, ils veulent partir, liyanahum, ils sont nés là-bas. Ils ont pas choisi, c'est pas eux qui ont fait ce voyage, ils sont nés là-bas. Leurs parents, ils sont venus il y a quelques années. Haoula, on leur conseille de faire des efforts. Voilà, et yaqnatu min rahmatillah. Ne désespère pas, akhi. Fais des efforts. Demande à Allah Azza wa Jal. Comme min ikhwan, ils étaient hunak. Walillahi alhamd, ils ont fait des efforts et ils ont réussi à partir. Lakin, la première étape, at-tawakkul ala Allah. Ne crois pas que c'est l'argent qui te fera partir, c'est du din. Al-hijra, c'est une ibada. C'est pas du commerce, ou c'est pas un projet là. Al-hijra, c'est une ibada. Fa awalan tawakkal ala Allah. Deuxièmement, ad-du'a. Demande à Allah Azza wa Jal qui te facilite. Troisièmement, fais des efforts, recherche, lis sur fada'il al-hijra. Des livres, des rasail, écoute des audios qui démontrent les bienfaits de la hijra, qui mettent en garde contre le fait de vivre inda al-kafara. Et, inshallah, avec ça, et avec un peu de temps, bi'idnillahi azza wa jal, tu feras le pas. Thumma sabr. Sabr, liana, tu seras éprouvé. Wa'alam kadhalik anna ad-dunya za'ila. Ça passe très vite. Fais tout pour faire cette hijra avant de mourir. Et tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Falihada, la personne, elle doit faire les efforts très vite. Surtout à notre époque. Yuharibuna sunna wa ahl sunna. En France ou autre. Qala. فليتق الله هؤلاء الشباب في أنفسهم وليحذروا السفر إلى بلاد الكفر من غير حاجة ملحة فإن السفر إلى بلادهم ركون إليهم والله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Le voyage, voyager une semaine, deux semaines, un mois comme certains johal pour passer des vacances, c'est من الركون. الركون c'est le fait de s'approcher. فلهذا قال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. Ne vous approchez pas de ha'oula al-zalim. Fatamassakum an-nar. Pourquoi? Liana, te rapproches de ces injustes, rubbama, le châtiment qui les touche, il te touchera. Ça, c'est pour le voyage, faqat. Amma al-iqama, c'est rukun wa ziyada. Mukhalata. Thumma des voisins kuffar, thumma l'école c'est des kuffar, l'administration c'est des kuffar. Le système entier, il combat ce musulman et ses enfants. قال ولعل في هذه الرسالة ما يقنع المبتلين بهذه الظاهرة. Et c'est ça le but. C'est une belle loi, ابتلاء. بعضهم c'est, ils sont éprouvés par ces voyages, بعضهم par la résidence هناك. Le but de cette رسالة c'est ce conseiller. نحن نكونسي كذلك à nos frères qu'ils ont réussi à Allah, il leur a facilité de faire cette hijra, de conseiller leurs frères, leur montrer les bienfaits, les aider s'ils peuvent, les encourager. Billati hiya ahsan. Lianna, t'étais comme eux, on était comme eux. Et al-fadl, c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. Fa on s'entraide fi hada wa ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa. Qala wa yunawwir absarahum bi mafasid al-madaris al-ajnabiyya wa dharariha al-mutanahi wallahu al-mas'ul al-marju an yahfazahum wa jami' al-muslimin min ash-shurur wa makr al-a'da' wa an yahdiyana jami'an ila sawa'i as-sabil wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad katabahu al-faqir ila rabbih ad-doktor al-sheikh Abd al-Salam al-Burjis ibn Nasir ali Abd al-Karim rahimahullah. La risala de Cheikh Saadi, pour ceux qui nous écoutent, elle a été mise en ligne sur le salon Telegram des frères, walillahilham. Celui qui veut la récupérer, hatta, na'am, on conseille à ceux qui nous écoutent de suivre avec le livre et de prendre des notes, ka'annahum ils sont ma'ana, et d'apprendre. Inch'Allah, bi hadi at-tariqa sayastafidun, bi idnillah. Donc cette risala, elle est, walillahilham, dans le salon Telegram, elle est mawjouda. أما الأخرى فما ما وجدناها الشرح اللامية on l'a pas trouvé pour la mettre en ligne لكن elle suit avec la poésie. La poésie, il la trouve très très facilement sur internet, il l'imprime et ils suivent le dors avec nous avec la poésie et ils prennent les notes inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما بعد. فأعظم الفروض على الإطلاق وأهم الواجبات وأكبر وسائل السعادة الدينية والدنيوية ما عاد إلى إصلاح العقائد الصحيحة. أعظم الفروض على الإطلاق, la chose la plus importante, l'obligation la plus importante, أهم الواجبات وأكبر وسائل السعادة الدينية والدنيوية, le meilleur moyen pour être heureux, ما عاد إلى إصلاح العقائد الصحيحة, c'est de connaître sa عقيدة. فهذا c'est la chose la plus importante, connaître son din, connaître sa عقيدة, ça te rendra heureux في الدنيا وفي الآخرة. وتوصل به إلى حفظ الأخلاق الحميدة وحفظ به الدين والدنيا وقامت به المصالح واستقام به المجتمع وذلك كله راجع إلى طاعة الله وطاعة رسوله المتضمن تصديق الله ورسوله في كل خبر. Tout ça, ça revient à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Saadi rahimahullah, il commence son conseil en citant la chose la plus importante, الدين. لماذا؟ لأنه il va faire, il va citer, il va conseiller par rapport aux écoles des kuffars. Et là, il démontre qu'on doit donner de l'importance à notre din. Et tout ce qui contredit ce din, ça nous fera du mal. في الدنيا وفي الآخرة. لهذا, il démontre, rahimahullah, أن المسلم, sa préoccupation, son objectif, la première chose, et la chose toujours il doit avoir dans son cœur, annahu il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-mutadammin tasdiqullahi wa rasulihi fi kulli khabar. Et ce din il est fondé sur hadha tasdiqullah, al-iman, et croire en tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, kadhalik son messager sallallahu alayhi wa sallam, wa imtithal al-amr, كذلك obéir. لأن ça suffit pas de reconnaître une chose, On reconnaît que salat c'est obligatoire. C'est tayyib, lakin il faut appliquer. Une reconnaissance, iman, et ce iman, كذلك il est fondé sur l'amal, l'imtithal. Qala, wa ijtinab ma naha Allah anhu wa rasuluh, كذلك s'écarter. S'écarter des interdits. Enfin, quand on lit la biographie, quand on lit Al-Qur'an, quand on fait des efforts fi talab al-ilm, c'est pas pour s'instruire, faqat, thaqafa, être cultivé. Là, ou pour passer le temps, ayyadam billah, là. Tout ça, c'est un mode de vie. On lit la biographie, on lit le Coran, c'est pour nous réformer, pour appliquer s'il y a quelque chose à appliquer, s'écarter si on doit s'écarter. C'est ça le din. Le din, il est fondé sur l'aqida. Et l'aqida, c'est l'iman. Et l'iman, c'est qawlun wa amalun wa i'tiqad. C'est une croyance. C'est des paroles et c'est des actes. C'est ça notre din. قال أصلح الله بذلك دينه ودنياه ومن أخل بشيء من ذلك اختلت أموره وحضر شقاه. Celui qui fait des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala il le guide. Et celui qui se détourne, Allah subhanahu wa ta'ala il l'égare. وأصل ذلك وأساس الإيمان الصادق الصحيح بأن نؤمن أن الله ربنا الذي أوجدنا من العدم. C'est ça عقيدة المسلم. Elle est fondée sur l'iman. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khaliq. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le raziq. Tout ce que tu as, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné. Ni'matu al-afiyah, la bonne santé, ni'matu al-din, ni'matu al-huda. Tu as été guidé, tu es un musulman. Tous ces bienfaits dont tu profites, tout ça c'est min Allah. Allah il t'a créé et il t'a facilité. قال الذي أوجدنا من العدم وربانا وأنعم علينا بجميع النعم الظاهرة والباطنة كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله النعم الظاهرة والباطنة الظاهرة c'est les نعم apparentes, مثلا la bonne santé, tu marches, tu vois, tu entends, ولله الحمد, tout ça c'est من الله. الباطنة c'est dans ton cœur, alhamdulillah, t'as pas de doute, t'es un musulman, tu crois en Allah, tu crois en ce messager, tout ça c'est min Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. On doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la reconnaissance, c'est كذلك, c'est avec la langue, c'est avec le cœur, c'est avec des œuvres. قال ويسر لنا جميع ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وصرف عنا كل ما يضرنا. وأمرنا بالسلوك الوسائل النافعة وحذرنا من سلوك ما يضرنا في ديننا ودنيانا. فالله سبحانه وتعالى nous a guidé. Il a envoyé un messager, lui a révélé هذا القرآن الكريم, tout ça pour nous montrer. فنحن on doit appliquer. Celui qui applique pas ce din, qui s'accroche pas, الحقيقة il manque de reconnaissance. لأن الله il a envoyé ce messager, il lui a révélé هذا الكتاب العظيم. Pourquoi? لماذا? Que pour qu'on applique. Enfin, plus l'insan il délaisse, plus il a un manque de reconnaissance. قال وحذرنا من سلوك ما يضرنا في ديننا ودنيانا فإذا اعترفنا بكمال ربوبيته لنا وتربيته وجب علينا أن نشكره على ذلك بعبادته وحده لا شريك له. Et cette reconnaissance, أولا, elle est بالتوحيد. لأن الله, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné, c'est lui qui t'a guidé. فلا يجوز tu adores un autre. Celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été reconnaissant. Kufrun akbar. Enfin, le muslim, il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'an nuqirra wa na'tarif annahu al-rabb al-kamil min jami' al-wujuh wa annahu al-mutafarrid bil-wahdaniya wal-uluhiyya. C'est ça le tawhid. Tawhid, il est divisé en trois catégories. Tawhid al-rububiyya, et reconnaître Allah, annahu sir rabb, c'est lui le créateur, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui donne la vie, la mort, etc. Wa hada tawhid il implique une action, amal, tawhid al-uluhiyya, unifier Allah subhanahu wa ta'ala fi l'ibada. Et hada rabb, كذلك, on a la conviction, la croyance, annahu il a des noms et des attributs parfaits, azza wa jalla. Fa hadhihi hiya al-anwa' al-thalatha, tawhid al-rububiyya, wal-uluhiyya, wal-asma' wal-sifat. قال ونخلص له أعمالنا وأقوالنا وبذلك أمرنا ولذلك خلقنا ولذلك خلقنا أي الله nous a ordonné هذا et nous a créé pour ça. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Il t'a pas créé pour que tu t'amuses, pour que tu profites فقط. Là, il t'a créé pour que tu l'adores, عز وجل. Et في الحقيقة cette adoration c'est une raha pour le mu'min. Le mu'min, il aime cette ibadah. Et il prend du plaisir à adorer Allah Azza wa Jalla. Et dans l'autre verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَنَقُومْ بِحُقُوقِهِ الْوَاجِبَ وَالْمُسْتَحَبَّ وَحُقُوقْ خَلْقِهِ. كذلك المسلم, il y a des حقوق qu'il doit respecter. Chacun, il a des droits. Et أعظم الحقوق, c'est حق الله عز وجل. كما في حديث معد. ما حق الله على العباد قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. C'est ça أعظم الحقوق. C'est le droit le plus important. Adorer Allah عز وجل seul. قال وحقوق خلقه كذلك. ومن أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل c'est حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم il a حق sur nous. On doit l'aimer. On doit le suivre. On doit le défendre autant qu'on peut. On doit l'aimer plus que nous-mêmes. Ça c'est min huquq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on a détaillé hada fi la risala qu'on a fait avant cette risala fi al-shahadatayn de Sheikh Hafid al-Hakami rahmatullah alayhi. Wa bil qiyam bil amrayn tatim an-ni'mah. Les deux, celui qui veut être heureux, haqqullah azza wa jall et haqq ibadah. Kadhalik tes parents, ils ont un haqq. Tu dois les aimer, tu dois les respecter, tu dois les aider. Il a akhri. Si c'est des musulmans, ils ont un haq akthar. Tes voisins, ils ont un haq kadhalik. Tu ne dois pas les déranger. Si tu peux l'aider, tu l'aides. S'il est pas ala al-haq, tu dois lui montrer. Kadhalik, ton frère talab al-ilm, il a un haq. Tu dois le respecter, tu dois t'entraider avec lui, tu dois l'aimer. Ouais, kadhalik, chacun il a son haq. Les animaux, ils ont un haq kadhalik. Tu ne dois pas être injuste. Si tu as besoin de tel animal pour telle chose, فبالتي هي أحسن وهكذا chaque chose a un حق. فالسلوي qui donne à chacun son حق فإن شاء الله il sera سعيد في الدنيا والآخرة et il profitera de toutes ses نعم. قال ويحصل الخير والرحمة كما قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Celui qui veut الرحمة طاعة الله وطاعة الرسول. Et si tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala et tu obéis à son messager, اعلم أنك تدنغى لحق أو صن حق أشكا لأن celui qui veut respecter حقوق الغير il obéit الله à son messager. لا تغتر بأعداء الله أنهم ils essayent de propager أنهم ils respectent les droits de la femme, les droits de l'homme, les droits des animaux. Tout ça c'est du كذب. Eux c'est par rapport à leur profit فقط. فلهذا ils appellent à une chose et le lendemain ils font le contraire. كم قتلوا وظلموا. Ils ont été injustes, ils ont colonisé, ils ont tué, ils ont comme minanas, injustement. Enfin, celui qui veut al-huquq, al-haqiqiyya, qui est fondé sur rahma et l'adl, la justice, la vérité, il revient au Coran et à la Sunna. Wa ati'u Allah wa ar-rasul la'allakum turhamun. Celui qui veut rahma, fa fi ad-din. Qala farattab ar-rahma wa huwa husul kulli khayr ala ta'atihi wa ta'at rasulihi wa dhalika yardi ila ibadatihi wahdahu la sharika lah wal ihsan ila khalqihi. Donc ces deux choses, ça revient à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, à y suivre ad-din, et kadhalik al ihsan ila khalqihi, chacun par rapport à ce manzila. وبالقيام بالأمرين يتم الدين كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث avec la répétition الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة il est كما في الحاشية في سنن النسائي et كذلك il est في صحيح مسلم sans la répétition. حديث تميم الداري رضي الله عنه الدين النصيحة قلنا لمن فمن نصح لله بعبادته وحده لا شريك له ولكتابه في فهمه والعمل به. Donc c'est ça النصيحة لله. Si tu traduis c'est conseiller Allah عز وجل. C'est quoi ce conseil هذه النصيحة؟ C'est l'adorer seul. Amma Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout, il a besoin de personne. النصيحة هنا بمعنى ibadatullah wahdahu la sharika. Ay, tu appliques haqqullah. Allah, il a un droit sur toi, il t'a créé bi haqq. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fatapplik. Hada awulan. Qala wa li rasoulih. Ay, dans le hadith, lillah, wa li kitabih wa li rasoulih. An-nasiha lil rasoul, qal, bil iman bih. Wa mahabbatih wa taqdim ta'atih ala ta'ati kulli ahad. Donc on l'aime, on croit en lui, c'est le messager d'Allah Azza wa Jal. Kadhalik, on fait passer sa parole avant la parole de n'importe qui. Sa parole, alayhi salatu wassalam, elle passe avant. Limada, li'annahu la yantiqu 'anil hawa. Pourquoi? Li'annahu, il est appuyé par la révélation. Pourquoi? Li'annallah, il l'a choisi comme messager. Fala yajuz, qu'on délaisse la parole du prophète sallallahu alayhi wasallam dans notre din pour suivre la parole d'un autre. Hada la. Et pour comprendre et suivre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'es obligé de revenir à ses héritiers, al-ulama. Eux, ils te montreront c'est quoi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment la comprendre. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose et la compréhension, c'est une autre. Léana ba'd-nas, il s'égare à cause d'une mauvaise compréhension. Enfin, il prétend suivre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais fil-haqiqa, il ne l'a pas comprise. Et tu comprendras cette parole en revenant au savant de la sunna. Qala, ولأئمة المسلمين كما في الحديث ولأئمة المسلمين وعامتهم قال بمعاونتهم على البر والتقوى وطاعتهم وعدم غشهم et ils ont حق علينا كذلك nos gouverneurs musulmans on doit s'entraider on fait du'a pour eux on leur obéit في طاعة الله et on n'appelle pas à se révolter tout ça لأنه النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit ذلك قال ولعامة المسلمين أي les gens de la masse بأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه donc t'aimes à ton frère ce que t'aimes pour toi-même لهذا cet amour il va te pousser à avoir de la rahma à lui montrer بالتي هي أحسن قال ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه كذلك les choses que t'aimes pas qu'on te fasse tu veux pas les faire à ton frère musulman. La médisance, être injuste envers lui, lui prendre ses biens, l'accuser. Tout ça, t'aimerais pas qu'on te le fasse, fait, tu le fais pas à ton frère. كذلك. وَيَسْعَى بِحَزْبِ اسْتِطَاعَتِهِ بِكُلِّ مَصْلَحَةٍ تَنْفَعُهُمْ Par rapport à ses capacités, il essaye de s'entraider avec ses frères pour faire avancer cette umma. قَالَ مَنْ قَامَ بِهَذِهِ الْأُمُورُ فَقَدْ كَمُلَ دِينُهُ وَمَنْ ضَيَّعَ ذَلِكَ وَضَيَّعَ شَيْئًا مِنْهُ ضَعَ مِنْهُ دِينُهُ بِحَسْبِ مَا ضَيَّعَ C'est pour ça que ce hadith, c'est un fondement dans notre din. الدِّينُ النَّصِيحَ Celui qui applique ce hadith, fait le haqiqa, son din sera qawl. Il adore Allah Azza wa Jal seul, il obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il obéit au gouverneur fi ta'atillah, et il a un bon comportement avec ses frères musulmans, fa fil haqiqa, hada, c'est notre din. Et celui qui a un manque, fa par rapport à son manque, il s'égarera. Fa mathalan, ba'duhum, wal 'iyadu billah, ils font du shirk billah azza wa jal. Ils sont pas nasih. Allah, il les a créés, ils adorent autre que lui. Ha'oula, ils ont plus de din. La in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Wa man yushrik billah faqad harrama Allah 'alayhi al-jannah. Ils ont plus de din. Wa ba'duhum, mathalan, ils font des bid'ah. Ils délaissent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines choses et ils innovent. Ha'oula, c'est des musulmans, tant que la bid'a, elle ne les fait pas sortir de din, et leur foi, elle descend. Ba'dhum, ils ont un mauvais comportement envers leurs frères. Ba'dhum, ils ont un mauvais comportement envers les gouverneurs. Par rapport au délaissement, sa foi, elle descend. Fahada kalamun jamil de al-allama al-shir Sa'di, rahmatullah alayhi. Il a expliqué hadith al-din al-nasiha avec une explication très courte, lakin فيها فوائد عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك